Précédemment dans Starfleet Academy Crimson Squadron, nos héros revenaient d'un voyage dans un univers parallèle, fait des découvertes assez intéressantes. Quelqu'un veut élaborer sur le sujet ? Donc on a été dans un univers parallèle où il y a une sorte de miroir déformant par rapport à la réalité, donc on a retrouvé des personnes qu'on connaît et même nos propres personnages, mais qui avaient une... C'est un peu l'opposé de notre personnalité. Donc, par exemple, Muranalia, qui est normalement très conciliante et très douce, a été assez crainte. Globalement, c'est un univers plutôt sombre, où tous les mauvais côtés de chaque personne ressortaient. Et c'était au sein du Kobayashi Maru, qui était un exercice de fin d'année de commandement. On a appris d'ailleurs que ces univers parallèles ont déjà été visités par le passé. En particulier, il y a eu une interaction avec le capitaine Kirk. Il y avait quatre personnes. Spock. Il y avait Spock, il y avait McCoy, le dernier. Il n'y avait pas Spock. Uraniota. Non, il y avait Kirk, McCoy, Scott et Uraniota. Scott. Bon, il y a eu l'épisode, je ne sais pas si c'est ça. Le truc intéressant, c'est que justement, c'est un peu à la fin questionné sur la directive première, qui est de ne pas influencer quand on va dans le passé. Et donc la question était de savoir est-ce que quand on va dans un univers parallèle, enfin, c'est une sorte de directive, est-ce qu'il y a une directive première univers parallèle au lieu d'avoir une directive première temporelle ? Techniquement, non, mais après avoir discuté avec le monde PDI, effectivement, disons qu'ils s'occupent aussi de ce genre d'affaires. Par extension, un peu, mais bon, c'est pas trop leur fonds de commerce. Sinon, dans les mois qui ont suivi, 2 mois qui ont suivi cette expérience, vous avez tes compagnons ont été diplômés de l'académie et donc ont atteint le rang d'enseigne. Cérémonie tout à fait. Le buffet était très bon. Un moment aussi les liens se sont resserrés un petit peu au niveau des anciens du 436, des habitations que vous partagez avec pas mal de gens, dont certaines personnes qui ont souffert de votre plus récente aventure, comme Masha Wilson et Pierre Coulon, et Eva Luke, dont vous avez pu rencontrer avec Walter Ego. Donc d'interagir à nouveau avec Shizuko, Fuyutsuki, Michael Tapanso, Perk, et de constater le départ de certaines personnes. Tivei qui était là aussi, tout à fait. Et Shran Tenri aussi, l'Andorienne. A priori, on devait partir pour visiter la Terre, pour faire un tour dans le bayou avec David Sontel. Tout à fait. Des ailes moi-même, et pour le moment, on se partir à d'autres endroits. Donc, partir au Japon peut-être, ou il risque d'être croisé à d'autres étudiants. Qu'on avait 2-3 projets comme ça. Tivei était invité par Shizuko Fuyutsuki à visiter le Japon. Éventuellement. Et il y a aussi un peu de business qui n'est pas encore fini, mais qu'il faudra probablement creuser avec les Japonais. Au Japon, il paraît qu'ils font des super sortes de crêpes galettes, c'est des okonomiyaki qu'il faut goûter. Mais elles vont être moins bonnes que les miennes. Et dans ce cadre, vous avez reçu une proposition de... David Fontaine. Proposer de venir passer dans mon coin, chasser le crocodile un petit peu, un barbecue le soir, et... vous faire découvrir un petit peu la culture locale, l'équateur, les vélos, les filles, la région, la faune, sa flore. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Vous vous tirez changer. Est-ce que j'ai le temps moi de faire ça ou il y a le stage d'été, il y a quand même un slot disponible? Non, t'as pas le temps. Merci. Je te demande quand même. Ah oui, tiens, la partie va commencer. Tu... Donc, l'invitation de Davis. Je ne me trompe pas, j'avais un contact, un ancien pilote de fusée, de la Star Wars. De quoi, un pilote? J'ai un ancien contact qui m'a motivé à aller faire un Starfleet. On va lui parler et ensuite lui ramener quelques colis. Quelques colis, c'est un colis en fait. C'est un fan de voiture. Donc je vais lui ramener une boîte de caisse. Ça se trouve où des voitures? Moi, c'est déjà tout arrangé de son côté, donc moi j'ai juste à faire le courrier. Ouais. Puisque c'est bien ça, je m'en passe tout le temps. Ça t'entraîne. Exactement, et j'en profite pour ramener tout le monde, et histoire de vous montrer un petit peu d'où je viens. Si vous pouvez peut-être expliquer pas mal de mes comportements. Est-ce qu'avec 7, je peux penser au corneau? Non. Non, ça me paraît trop obscur. J'ai fait culture humaine, j'ai fait 7, voilà. Tu serais Tiveille qui m'aurait précisé que pour une raison obscure, en tant que Vulcain, tu t'es porté d'intérêt sur les comédies, sur la culture française. Vous avez 80 d'accord. Que... Très bien. Donc voilà. Non, ok. Vous êtes vraiment parano. Hein. Générique. Et voici Star Trek Starfleet Academy avec Akadosh Az. Davis Fontaine, Sani, Asmaelig Le Billon, Gavolt, As Strak, sous la direction de Kalum, As notre metteur en scène, basé sur Star Trek de Gene Roddenberry. Vous vous faites téléporter à la station. Comment êtes-vous vêtu? Pourquoi la téléporte pas la voiture? Il y a rendez-vous un jour, une heure pour aller la chercher. Donc voilà, il y a un endroit, il y a une espèce de centrale où vous faites oui, téléporter. Mais où est-ce que tu as des transports? Parce que là, moi, dans mon bayou, il n'y a pas vraiment de transporteur à proximité non plus. Donc on peut la téléporter. Ah oui, d'accord. Ouais. Eh bien non, tu peux te téléporter où tu veux dans certaines conditions. Plutôt des conditions d'urgence ou tu aurais des autorisations spéciales. Mais sinon, soit tu te fais téléporter à on dirait un endroit central où tout le monde se fait téléporter, comme c'était le cas à l'Académie de Starfleet, ou tu peux te faire téléporter éventuellement dans le lobby de l'hôtel, d'un hôtel où il y a un espace prévu à tout cela, si c'est un hôtel d'un certain standing, ou tu peux te faire téléporter éventuellement chez toi. Sachant niveau comment dire privilège, crédit, voilà, un bon cas où les crédits de la Fédération te servent, ça te revient plus cher de te faire téléporter exactement chez toi que de te faire téléporter là où tout le monde se fait téléporter. Ces centres de téléportation sont. Il n'y a pas un seul centre de téléportation par ville, il y en a plusieurs répartis. Donc c'est pas non plus je sais pas, t'imagines, c'est pas Saint-Pancras où tout le monde qui apparaîtrait disparaîtrait sans arrêt. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles tu ne téléportes pas n'importe où, n'importe quand, comme tu veux, c'est parce que ça serait vite le foutoir dans les rues si les gens commençaient à se téléporter tout le temps. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne téléporte pas la voiture? Vous avez décidé, je pense, de profiter de la soirée avant d'aller récupérer la voiture. Au moins, ou plus de temps, si vous me dites. Vous avez un jour et une heure où vous devez retrouver quelqu'un à un endroit dans un nouvel environnement. Pour avoir la voiture et après, combien de jours en avance vous vous téléportez là? Il faut la mener où, la voiture? Associé Louisiana. D'accord. Qui est la ville natale. Ça, c'est les infos que vous avez. D'accord. Et bon. Sachant que la voiture, c'est pas juste la voiture contiendra aussi différents produits qui doivent être acheminés. La première nécessité, évidemment. La chouf! Le Yukon Code, le grand diamant du monde, il est là. Scène où ils se font enregistrer. Exactement. C'est mise en habit. C'est trop méta. Bref, moi j'irais bien une journée à l'avance. Combien? Une journée à l'avance. Une journée à l'avance. Est-ce que c'est assez une journée en avance? Ou c'est plutôt une nuit? Sachant que c'est au matin que vous avez rendez-vous. Une journée en avance, c'est-à-dire qu'on aurait une journée pour faire une avance. C'est genre la journée tu dors et c'est la nuit que tu vis, non? Tu fais rien la journée, toi? Bah, la Nouvelle-Orléans, quand tu vas, c'est plutôt la nuit qu'il se passe des trucs. Hein. Oui, mais dans le bayou. Ah, dans le bayou, peut-être moins. Ouais. Mais là, la Nouvelle-Orléans. Là, on va à la Nouvelle-Orléans pour choper la bagnole. Vous allez aller dans le bayou. Nouvelle-Orléans, non, parce que j'ai jamais été à Nouvelle-Orléans, c'est tout à fait l'occasion d'avoir une journée et une nuit en avance. Donc, ouais, 24 heures en avance. Et donc, vous arrivez au matin précédent le. Voilà. Je disais vous. Et peut-être l'occasion de vous décrire. Vous êtes en civil, a priori. Ou pas. À vous de voir. Non, ouais, on peut être habillé en local. Tu ne sais pas que je viens de la Starfleet. Je pourrais être le mec dans la rue d'à côté. Okay, décris-nous ce mec dans la rue d'à côté. Plus spécifiquement, décris-toi. Casquette typique, chemise, baseball cap. Baseball cap. T'as chemise que j'ai portée quand je suis arrivé en fait à la Starfleet. Un peu trop grand pour moi. C'est une hawaïenne, YouTube hawaïenne. Pantalon jean noir, un peu crade quand même, troué de côté, et des baskets qui sont super solides. Mais voilà, super pas propre, super pas distingué. Vraiment le chav de base. Quoi. Le chav, mais de Nouvelle-Orléans. Dans ta tête, hein, s'il y a des chaves de Nouvelle-Orléans. Je m'excuse d'avance. Voilà, ok. Xani, qui a enfilé ses lunettes de soleil. Exactement. Il a une, il est pas habillé en, comment ça s'appelle, en habits synthétiques. Donc il a utilisé des habits qu'il avait ramené quand il est arrivé à Starfleet. Et du coup, en particulier une chemise en lin de moi, dont tu faisais très attention. Il a une casquette, mais c'est pas une casquette cow-boy classique, c'est une casquette à l'ancienne, en tissu. Et il porte un pantalon qui est pas mal usé, en particulier au niveau des genoux. Il a fait pas mal de travaux avec. Et des bottes un peu. Bon, j'espère qu'il va pas faire très chaud. C'est Francis là. Drac, un pantalon beige en lin, des claquettes, des chaussures ouvertes, un t-shirt noir avec un dessin de tyrannosaure qui ouvre sa gueule en hurlant, et un chapeau en paille avec un liseré rouge et bleu. Quoi, un bandeau genre gondolier, hein? Et un bandeau sur le chapeau, avec une plume. C'est ce que j'ai trouvé en faisant une recherche sur Google. Donc le collier de crocodile d'alligator. Et un collier dedans, de crocodile. Répliqué, évidemment. Oui, oui, non, tout est répliqué. Il est où le crocodile? Donc, vous téléportez à une des nombreuses stations de téléportation de la Nouvelle-Orléans. Vous formez un groupe, ma foi, tout à fait sympathique et vous entrez dans les rues assez peuplées, beaucoup de monde, une foule garée avec un nombre raisonnable d'extraterrestres parmi certes moins qu'à l'Académie ou à San Francisco. Ce qui est surtout intéressant, c'est que les personnages humains comme extraterrestres ont comment dire, des codes vestimentaires, des dégaines plus variées que ce que vous avez pu voir même à San Francisco. Petite question, les humanoïdes ou les humains non terriens sont appelés extraterrestres ou pas? Par exemple, Jezabel Analia, elle est considérée comme un extraterrestre parce qu'elle détonne pas. Donc... Ce que je disais, c'était, j'ai pas vraiment de mot de ça, je trouve pas le mot extraterrestre satisfaisant personnellement, mais ce que je voulais dire, c'est que vous voyez une variété de... D'humanoïdes non humains. Voilà, d'humanoïdes manifestement non humains. Okay. Je peux savoir la définition. Non, c'est une bonne question. Non seulement il y a une foule bigarrée, comme je disais, mais dans les rues, il y a pas mal de musique avec des groupes, soit des gens, des solos ou des groupes se déplaçant dans les rues ou étant juste à un coin de rue en train de jouer instruments archaïques que vous identifiez pour la grande majorité comme étant issus de la Terre. J'aurais dû ramener mon bignou, ouais. Dis-moi, David Fontaine, où ils nous sont ensuite, pas utiliser mon outil. Y aura-t-il des... arriverons-nous à ce moment de l'année où il y a des femmes au sein nu qui se baladent dans les rues? Personnellement, tout dépend de l'heure, mais après n'importe quel jour de l'année, à certaines heures, ça... Oui, il me semble que c'était un moment particulier de l'année où il y avait une fête spéciale. Tu en vois. Ah. Effectivement, tu croises une non-humaine et une humanoïde, en tout cas, elle a l'air humaine extérieurement, qui se balade ensemble dans un appareil, somme toute modeste. Mais est-ce que ça ne rentre pas dans les tabous de la société humaine, le fait de se déplacer à l'extérieur sans porter de vêtements sur la partie supérieure de son corps? Toute l'idée vient de trouver des excuses pour ne pas le faire, comme certaines plages par exemple, où effectivement on est à poil. D'accord. Et pourquoi faire ça en ville ici à Nouvelle-Orléans? Et pourquoi spécialement ici? S'il fait chaud? Je crois que la culture c'est pas mieux. Un gros fuck you, un gros des animaux nous aussi. Et pour ce festival, on a le droit. Les Amurnalia, les liés aux coutumes locales. Tu utilises ton combat, tu pourras poser les Amurnalia. Je pensais qu'elle était avec nous. Non, non, vous êtes juste une fois. D'accord. Dans ce cas, je... Ouais. Mais si tu veux t'y prêter à la pratique, tu es très bien invité à... Non, je ne pas tout à fait minime. Peu importe. C'est tout à fait compréhensible aussi. C'est grave. Est-ce que vous avez réservé un hôtel? J'ai un bar très connu qui s'appelle le Chez Mardi, que je fais pratiquer régulièrement. Et je vais absolument le plan d'y faire un tour et peut-être de loger là. Ok. T'as aussi un restaurant. Ah, qu'est-ce qu'on mange? Alors, il y a des street food, tu peux voir des hamburgers, de la viande locale. C'est tout synthétique. C'est la viande locale. Alors, le donc tout, c'est pas synthétique. Tu demandes pas. Le secret, c'est que tu demandes pas. C'est de la viande locale, tu acceptes. D'accord. Mais par exemple, ce serait intéressant de voir si tu es capable de reconnaître si c'est la viande locale ou si c'est tout synthétique. Il y a de la viande à manger? Pardon? Il y a de la viande à manger? Principalement, c'est assez sauvage. Là, alors, peut-être que tu peux poussiérer la salade comme de la viande aussi. Un petit peu de tomate, mais tu veux massivement manger du saint-porc, du coco. Je crois que la salade et les tomates me suffiront. Mais c'est la sauce qui compte après la viande. C'est pas vraiment le côté salade. Tu as vu un plan ton contact Paulus. Tu avais obtenu un plan chez un ami à lui, une connaissance. Qui apparemment c'était une des personnes qui allait expédier des choses vers Saussier pour manger dans son resto. Certains... Alors le resto de Paulus ou le resto de Saussier? Paulus, c'est ton contact, celui qui t'a fait entrer à Starfleet, enfin qui t'a encouragé à le faire. Le restaurant qui t'a recommandé où il connaît le patron, c'est s'appelle la cuisine créole de Cisco. Et tu demandes Monsieur Cisco, tu lui dis que tu as de la part de Paulus, voilà. Ok, d'accord. Il t'a dit de réserver parce que bon, soirée, c'était très couru comme on voit. Ok, donc le plan c'est, on va réserver la cuisine de Cisco et on passe un petit peu au bar chez Mardi. Et quand on a l'estomac plein de bière, on va essayer de remplir avec quelque chose de plus nourrissant et on retourne à la cuisine créole. Sachant bien sûr, il va falloir que tu sois à jeun pour conduire la voiture. Je crois que c'est dans les codes, hein, c'est ça. Mais c'est pour ça que vous êtes là. Ah, pour conduire la voiture. Je crois, oui. Non, mais sinon on peut boire pour toi en fait. Non, je crois que c'est. Avec moi, on passe. Je pense que se partager à nous deux la quantité qu'en général le cas des fonds de l'ancienne fontaine absorbe et serait probablement dangereux pour nous deux. Non, je suis sûr que les bretons sont bons aussi. C'est pas du cidre, mais je suis sûr qu'il tient quand même. C'est pas du chouchen? Ce soir, on va vérifier. Nous verrons bien. Donc, que faites-vous? Vous êtes le matin encore, vous vous rendez compte que cette activité qu'il y avait à cette heure-ci, c'était essentiellement à côté de la station de transport. Donc, vous éloignez un peu, par contre, les rues sont encore assez calmes. Il y a quoi à faire la journée à Nouvelle-Orléans? C'est particulièrement... T'avais pas dit qu'il y avait un truc avec des overboards dans les marais Mais ça c'est assez loin de... C'est loin d'ici. Il va falloir peut-être d'abord après aller... qu'on est délivré et délivré, qu'on ait apporté véhicule à Paulus, on va aller plus loin dans le bayou et on va jouer avec tout ça. Qui donc ce Paulus? C'est compliqué. C'est un petit peu un mentor, pas mentor. Il est de la famille, mais pas vraiment de la famille. Peut-être du genre à me pousser vers Starfleet. Il est lui-même aussi l'officier de Starfleet. Même ça, c'est compliqué. Je crois que surtout, n'essayez pas d'aborder ce sujet en face de lui. On a dit plein de contradictions. Ouais. Pareil de la météo. Hein? Ça, je suis super fort. Ça va être bien. Pareil, la faune locale. Intéressez-vous à la région et il sera très content. Pas Starfleet. Non, évitez. Évitez Starfleet. Évitez. Ouais, non, ne parlez pas de ça. Noté. C'est logé. On est bon. Est-ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire dans la ville? Est-ce que. On fait les repérages tout de suite? Est-ce que. On a parlé d'un tour de la ville qu'il était possible de faire dans un véhicule avec un commentaire en ville. Avec un bus de tourisme. J'ai fait ça quand j'étais petit, mais je crois que je pourrais faire plus. Tu peux nous faire la visite toi-même, du mieux, c'est plus intime, plus personnalisé si vous voulez, sur les choses. Mais si tu veux la version officielle, on peut faire la version officielle. Il y a des guides en fait qui font des marches guidées, mais il n'y a pas de tour en bus de touristes. On peut faire. Peut-être que je pourrais prendre un bus et je le fais même. Est-ce que ça te tente? Un bus pour trois? Ah non, tu as un bus de personnes. Ok. Il faut la trouver un bus. Est-ce que. j'essaie de me rappeler quelle est la ligne de bus qui était la plus intéressante à prendre. Quoi? Quelle est la ligne de bus la plus intéressante à prendre? Quoi que la nouvelle ligne n'est pas là. Est-ce que tu voulais louer un bus, toi? Et les lignes de bus Est-ce que tu voulais louer un bus? C'est le conducteur qui faisait un commentaire. Tu montes dans la ligne de bus et tu causes. Et je veux dire, là, tu vois. D'accord. Là, tu peux aller voir. Et disons, il y a un service de navette. Speeder, tu flottes au-dessus du sol et t'as un service de navette que tu peux prendre pour te déplacer dans la ville parce qu'il n'y a pas de métro, voilà quoi. Il y a un monorail aussi qui fait le tour de la ville. Monorail. Enfin, le monorail, ça va être un peu plus rapide. C'est l'épisode des Simpsons. Hein? C'est l'épisode des Simpsons qui revient. Oui, je sais. J'ai compris la référence. Monorail. Donc, dans toutes ces options, monorail, navette, à pied. Je préfère quoi? Navette? À pied, on n'a peut-être pas le temps de tout faire, c'est grand. Par contre, tu t'habilles dans la navette. Je remets mon t-shirt. T'avais retiré ton t-shirt? Ouais. Ok. Non, je visualise. Tu l'avais stoppé quand il allait. Visualise tout ça. Tu l'avais stoppé quand il allait enlever son pantalon. T'es passé à autre chose, je sais pas pourquoi. Mince. Jouer au lait. Non, plaisante. Que faites-vous? Peut-être que vous avez faim. Moi j'ai faim. Et il est maximum 10h du matin. Et vous avez soif? On peut déjà peut-être faire un petit tour et après. Comment? Peut-être plus tard. Parce qu'on a dû partir à 8h du matin de San Francisco, donc peut-être facilement 10h là. Même 11h je dirais. Je sais pas à quelle heure vous êtes parti. 8h. Bah alors il y a 3h de décalage horaire. Il est parti à 7h. Il y a 3 ou 4h de décalage horaire. Ah ok. En effet. Voilà, oui. Entre la Californie et la Floride et le Golfe du Mexique, ouais. Bon, allez, on fait un petit tour et puis après on va au resto. On fait en sorte de faire tu vois, un petit tour entre là où on est et le resto. Tu vois, si c'est. Tu nous fais visiter les trucs éventuellement en faisant un petit détour, mais on dirait je vais à un resto. Ok. Donc sur la navette, je refais tous les trucs les plus. Attends, la navette, quelle navette? Le truc express qui vole au-dessus, comme t'as dit. Non, mais ils volent pas, hein. Qui volait au-dessus. Non, je veux dire, il a pas de roue, c'est un truc contemporain de Star Trek, mais c'est. Ah, c'est un bus, quoi. C'est un overboard, quoi. C'est un overbus. C'est l'overbus de Nouvelle-Orléans. C'est l'overbus de Nouvelle-Orléans, ligne 4. Après, la plupart des gens font du vélo, marche. Ah, ou du vélo, c'est une bonne idée, ça, le vélo. Si on veut du vélo. Tiens, vous voyez un stand. Qui apparemment propose des véhicules à pédale. J'ai vu des gens partir là-bas. Ça, je veux essayer ça. Si on, okay, qui te rappelle ce que vous avez utilisé sur Benzit comme véhicule, donc c'est à 4 roues, mais ça à pédale. Et apparemment, ils en ont pour 4, 6 personnes. Et apparemment, vous constatez qu'il y a quelques touristes qui s'embarquent là-dessus. T'as pas déjà vu ça? Ça? Ouais. Il y a les verres avec? Il y a les boissons? Il y a des endroits pour poser les verres. Il y a des endroits pour poser les verres? Non. Alors qui pédale? Je pédale, t'es le pilote. Moi je vérifie que tout va bien, je dresse un peu tout. Cuistax. Vous voyez ça, t'as une grosse enseigne qui met ça avec des grands points d'exclamation. Ah, c'est pas quelqu'un de l'académie? Quoi? Non, c'est le nom de l'enseigne. J'ai entendu l'enseigne Cuistax. Non, c'est l'enseigne de l'établissement qui manifestement loue des vélos et loue ceci. Il loue des monocycles aussi. Apparemment, il loue des espèces d'échasses, même. Et il loue, mais le truc porte ce nom-là, quoi. Il est ici, quoi. C'est parti, non? Allez. Je me prends une boisson. Chemin. Et. Donc, Je pense... Donc tu vas le trouver, tu lui files quelques crédits standards, quoi. Pas une fortune. Mec très cool, qui a un chapeau, qui a un beau chapeau, il aime bien ton style. Et voilà, ouais, mec sandales, fait, ouais, c'est cool et tout, les jeunes. Alors, de combien de temps? Hein? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Ah, 2 heures, hein. 2 heures, c'est bon? Ouais. Après 2 heures, ça tire dans les jambes. Hein. Ça tire dans les jambes. Il y a un circuit recommandé en 2 heures? Bah, je dis 2 heures, mais ça peut être 3, hein. C'est cool, hein. Ouais, on se comprend, 2 heures. Ça. Ah, bah, balade-toi, hein. C'est, par ici, c'est plat, donc. Les cartes de la zone sont la bienvenue. Avec, si possible, une indication des lieux remarquables. Ok. Il se penche derrière son comptoir qui est en bambou assemblé ensemble. Il sort un truc dépliant qui apparemment indique effectivement des centres d'intérêt de la vieille ville. Voilà, qui indique quelques endroits, lieux touristiques. Pendant ce temps-là, je fais un check du véhicule et je huile et je graisse toutes les parties. Ok. T'avais de l'huile à proximité. Tu peux faire un jet. Un jet de quoi? Un jet d'huile. Il faut un des différents pour savoir sur lequel explose. C'est quoi? C'est sur... qu'est-ce que t'as? Véhicule operation. Non, ça c'est pour conduire. Ah. Donc ça sera... Structural space. Engineer material, structural space strength. En fait, ah, c'est structure quoi. C'est structure. Hein. À moins que tu veux faire un autre truc. Hein. Il n'y a pas de moteur donc. Non, c'est vraiment faut back. Il n'y a pas de moteur impulsion, il n'y a pas de moteur de distorsion. Je vérifie que tout est bien et que ça grince pas. Il n'essaie pas d'en monter un. Ah, mais ça. Belle expérience. Wow. Tu aurais dû le récompenser. Fais un 6. 10. Ok, tu le regardes. Tu resserres un truc, tu vois, un machin qui allait sans doute cuiner, parce que bon, bah, il a connu des meilleurs jours, ce Quistax. Quistax. Cuiné. Je veux pas que ça grince. Tu veux pas. Moi, je fais un repérage sur la carte, je regarde les distances, et je regarde les différentes choses à faire, et je sais optimiser mon parcours. Fais un jet de Streetwise. Dont Intellect. Logique. Streetwise, vraiment. Moi que tu veux y aller à l'empathie, ouais. Bah oui, il y a Streetwise, ça existe. Non, je sais pas. Culture. Ou... Tu n'as pas le personnage le plus Streetwise. Ah non, ça, non. Tu peux essayer de faire un Vulcan North Pinch à la carte, si tu veux. Je vais faire Star Pinch à la carte. Pour interroger un mec. Du coup, je dois faire 6. 6, bah ouais, pas de problème. Objectif, ça marche ou pas, là? Hein? Objectif, ça marche ou pas? Parce que je fais 5. C'est pour lire la carte, donc je sais pas si c'est... Des fois t'as des questions vraiment existentielles avec personnage. Non, ça aide pas. Mais ouais, tu trouves un parcours assez sympa qui traverse apparemment le cimetière, qui est un endroit assez intéressant, il y a 2-3 tombes. Je suis pas sûr qu'on puisse traverser le cimetière. Apparemment, d'après ce que tu comprends, il y a 2-3 tombes intéressantes, 2-3 anecdotes qui sont indiquées au verso de ta carte. Puis j'en connais certaines moi aussi, hein. Je peux potasser avant de venir. Ok, bah vas-y, lâche-toi. Hein. Je sais pas, ouais, mais dis-moi par exemple le type d'histoire que t'aurais cherché, etc. Il y aura probablement sur les personnes célèbres, sur oui, des petites anecdotes croustillantes, sur qui aurait pu passer à tel endroit, sur je sais pas trop, sur des marques d'alcool ou. Peut-être le vaudou aussi. Ok. Sur du vaudou, oui, tout et n'importe quoi. La page Wikipédia à peu près. Ok. Je t'en trouve au fur et à mesure. Bon, qui prend les commandes? Je vais prendre les commandes. Tu peux le faire. Je peux. En Seine-Fontaine, prenez les commandes. C'est quoi déjà ce véhicule à roues? C'est quoi? Le pire, c'est qu'il l'a en plus, non? Ouais, je crois qu'il l'a. Ouais. Oh là là. Je veux juste. Grand véhicule. C'est large, hein, comme. Ça touche pas le sol. Non, c'est un truc à pédale. C'est un truc à pédale. Donc, ouais. En gros, c'est. Qui pédale? Est-ce qu'on doit tous pédaler ou c'est juste celui qui pédale? Tu peux taper Quistax pour avoir des photos. Et voici donc. Un Quistax. Il y a des Quistax à 3 personnes? 4 à 6. Le Quistax. Moi je vais derrière, je pédale pas. Tape Quistax 4 personnes. Il y a stack 4 personnes. Mais les 3. Le personnage qui vous a loué ça avait un accent qui ne semblait pas être du coin. En fait, c'est avec un C qui stack ça. Ah bon ? Ouais. Ah bah là, c'est devenu avec un K. Ah, il y a un Q-Stax à plein de personnes là. Il y a un Q-Stax, c'est une personne en fait. Hein. Q-Stax, c'est plus de personnes, j'ai du mal. Ouais, mais un Q-Stax d'une personne s'appelle plus un Q-Stax, c'est un Goka. Oula. Ah, oh. C'est technique. Je pense. C'est sur coordination, c'est quoi ? RTBF.be. On se connaît ses sources. Ok, comment vous y allez ? Enfin, je veux dire, voilà. Q-Stax. C'est quoi ? C'est la course, c'est relax, super relax. C'est super relax ? Non, non. Est-ce que tu essayes de super relax ? Super relax. Est-ce que tu pas trop builder, t'es contracté ? Ouais, je suis là. Et raconte un petit peu tout, genre, je suis le roi de la ville, j'ai toujours un truc à dire sur n'importe quelle rue qui passe. Mais, et genre, j'y crois, quoi. Bah, vas-y, enfin, je veux. Eh, fais gaffe, il nous dépasse. Ah, regarde, la mémie, elle va plus vite que nous. Attends. Quel genre de dé je préfère ça? Ouais, donc au départ, c'est un peu embêtant parce que bon, il y a beaucoup de monde, donc tu dois un peu tourner. Tu dois utiliser le. Il y a une espèce de poche en matière plastique avec une corne en métal au bout qui fait. quand tu la presses. Et Davis doit en faire usage allègrement pour demander aux touristes de se retirer de votre chemin. Quoi. Et aussi pour remarquer certaines jolies jeunes filles, j'imagine. Ça, je laisse à Davis dire ce qu'il fait avec le klaxon. Bah, dès qu'il y en a qui sont seins nus, je vais pouler pouler foot et voilà, je vais vive. Tu fais un peu de pute sur le klaxon ou Certaines font ouais, exactement. Et nous-mêmes, sommes-nous censés faire quelque chose sans les mains, sans les pieds. Faut bien aller. Non, quand tu klaxonnes, quand vous klaxonnez, on sait une Davis. Sommes-nous censés aussi faire quelque chose ou, ah, tu peux motiver les personnes qui participent au festival. D'accord. Donc je continue à parler, direction le cimetière. Donc vous pédalez. Hein. La première chose qu'on dit, c'est le cimetière. À 3 sur un Q-Stax pour 4. C'est moi qui ai fait la balle. Vous avez mis vos petits sacs à l'arrière, je pense que vous aviez des sacs. Ouais. Oui. Des sacs de marin. Ouais. Ok. Un manteur. Ok. Sac banane. T'as pris juste un sac pour banane pour sac banane plusieurs jours. Bah moi j'ai ma famille de toute façon. Ouais mais bon ça va prendre. Je sais pas combien de temps. Combien de temps ça va prendre à rouler. Okay. Bonne journée, c'est pas grave. Ok ouais. Ouais voilà. Ok. Je profite de mes affaires ici. Juste vraiment, je veux vraiment faire un jet de connaissance de ton de ground vehicles. Ouais, ok, vas-y. D'accord, c'est quoi, c'est coordination du tout, c'est 2D plus 3 quoi. Voilà. Est-ce qu'il faut qu'on fasse non, aussi non, non, pour tu jettes, tu jettes, tu jettes ça, coordination. Ouais. Donc tu jettes ça. Voilà, jette 2. C'est lequel le spécial? C'est lui qui... bon quoi aujourd'hui? Non, c'est fini. Vous êtes diplômé, vous n'avez plus, sauf toi. Vos avantages, désavantages. Donc en fait, tu n'as plus ton objectif. Ouais. Parce que vous êtes des adultes maintenant. Donc vous avez perdu la fougue de la jeunesse. Ah mais bon, vous avez aussi perdu les désavantages de votre insouciance. Ah bon? J'avais pas de désavantages, j'étais parfait. Bon, tant que je suis pas en 0G, ça peut aller. Ouais. J'ai plus mon code d'honneur. Si. Non, si. Tu gardes tous tes désavantages. Ce que tu perds, c'est ton doublon qui est tout en haut. Avantages, désavantages. Donc Davis n'est plus aussi et vaguement moins prétentieux, enfin tu vois. Ah ok d'accord, donc mais il est un peu moins confident. Si, Ah je suis Donc toi tu peux nous dire ce que c'était. Voilà, t'es légèrement moins. Vous parliez pas dessus. Ce qui est exactement. C'est très très bien. C'est très très très très bien. T'es content avec ça? Ah, c'est exactement mon personnage qui s'est quand même un peu. Ah, sociabiliser. Et ton avantage que t'as perdu objectif. Parce que... C'est normal, effectivement, je suis concentré. Et toi, bon, tu t'y es pas encore, mais ça viendra, ouais. Ça a pu. Moi, c'était imaginatif. Et puzzle. Ok. Je me pose des questions. Des problèmes simples. Existentiels, tu fais bien roleplay en fait. Ok. Donc, ton jet, t'as fait 7, si je comprends bien. Oui. Donc, ouais, ce qui est un excellent jet. Tu peux me faire tous un petit jet de. D'athlétisme. Ça va être fitness, vitalité. Bah, athlétisme. Ah non, parce que c'est plus. C'est pas spécialement athlétique comme tâche, hein. Je veux dire, n'importe qui peut le faire. C'est quoi la différence entre fitness et athlétique ? Hein ? C'est quoi la différence entre fitness et athlétique ? Non. Non, fitness c'est ton trait, athlétique c'est une compétence. Et du coup là on fait juste un geste fitness sur la... Vitalité. Ah, fitness vitalité, d'accord, t'as pas juste... Fitness vitalité, okay. Oui tu peux le faire avec athlétique pur si tu veux. Ok. C'est comme si tu faisais du vélo. Oui voilà, le ouais, effectivement. Et donc, c'est sur vitalité. Et c'est toujours le même. Athlétique pur c'est lui en fait. Ça explose deux fois ou pas ? Hein ? Ça explose deux non, fois. Non, une fois ça. Du coup je fais 13. 13, tu peux... Je fais comme une fleur. Je fais la course avec Davis. En plus, ça c'est bien, ça le cuistac ne queen pas, donc c'est un bon cuistac. J'arrive pas à le doubler. Ne grince pas. Donc, pourtant, t'es sérieux. Donc voilà, tout ça se passe très bien. Vous traversez des rues, encore une fois, avec une foule assez diverse, avec des musiciens, de l'architecture assez ancienne, en bois. Apparemment beaucoup d'établissements où vous allez boire et aller faire la fête qui ne sont pas encore ouverts visitant les coins un peu moins un peu plus calme le passage dans le cimetière est assez intéressant effectivement et lors de ce passage tu as plein de choses à raconter sur qui sur le cimetière mais aussi à l'extérieur en fait j'insiste beaucoup en fait sur les oppositions raciales sur les lynchages et autres massacres le débarquement des esclaves le commerce triangulaire beaucoup de choses sur l'histoire de la ville qui a émergé exactement la vente de l'État de la Louisiane par Napoléon. Non voilà il y a beaucoup de choses mais j'insiste quand même beaucoup sur l'esclavage le racial le lynchage et les choses comme ça. Histoire de rajouter une petite note positive, voyage. Et tu peux me faire un jeu de présence, empathie et n'importe quelle compétence qui te semblerait bien pour raconter quelque chose. Alors, présence, empathie, qui serait bien pour raconter. Oula. Peut-être que tu n'as juste pas la compétence. Je crois qu'il y a pas de storytelling. Ça doit être historique humaine, ça pourrait être. Non, ça c'est pour connaître. Language, c'est pour traduire. Ouais, tu l'as peut-être pas, hein, c'est tout. Behavior modification. Non, ça serait plus d'essayer de. Non, j'ai rien. Ouais, bah, t'as rien, c'est pas grave, tu lances. C'est sans compétence. Deux. C'est extrêmement chiant. Il part en détail de décrire des tas de trucs en veillant bien à donner les dates et les noms. Les liens de parenté et les liens présumés de causalité entre ces différents événements. En fait, je vais juste ignorer ce dé. Si je mangeais de vos chantas pour voir si je repérais, mais en fait, non. T'es à l'avant, t'es à côté. Voilà. Moi, c'est bon, quoi. Non, ou t'es à l'arrière plutôt, t'es tout seul. À pédaler comme un con. Pédaler. Et alors là, y'a ça, y'a ça. Enfin, moins enthousiaste. Et alors là, y'a ça. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin de pédaler, donc vous avez les pieds sur les pédales. Justement, en fait, on fait l'inverse pour qu'il s'essouffle le plus et qu'il parle moins, en fait. Ça marche pas. J'appuie sur le frein, en fait, tu vois, discrètement, j'appuie sur le frein. Et comment ça marche pas, en fait. Visiblement, j'ai trop couru avec Gorg et je suis vraiment en forme. Voilà, c'est vous traverser. T'as plein de détails, mais tu peux pas s'arrêter. Je crois, t'as pas soif, tiens, bois. Tu veux pas manger aussi. Tu peux me nourrir. Merci, cadet de bière. Et donc, comme je disais, cette nourriture d'ailleurs est aussi importée des. Tiens, j'ai une bière là, aussi. Donc voilà. On peut pas louer des guides audio, tout ça, tu sais, genre ils font ça très bien, il paraît. Non, j'ai peur. On peut aller chercher. Bon, bah vous sortez du cimetière, vous rejoignez un peu le quartier un peu populaire, passez à côté d'une église par-ci par-là où effectivement il y aurait eu des lynchages qui auraient eu lieu. Et les rues s'animent davantage et pas mal d'odeurs diverses et riches viennent à vous, extrêmement épicées. C'est l'heure de manger. De différents stands et diverses roulottes que vous trouvez dans les rues. Vous arrivez, il y a différents stands qui servent différentes. C'est où ta viande locale? Techniquement tu l'achètes là, donc c'est le local par définition peut-être. Le réplicateur local ou de la viande locale? Je t'invite à aller poser la question. Toi tu constates que la grande partie de ce que tu vois semble être une cuisine. Tu vois littéralement genre en train de cuisiner. Là. Je demande un hamburger au crocodile. C'est quoi la spécialité si l'on revient en crocodile ou... C'est deux. La spécialité, spécialité. C'est de manger l'animal local. Non, les Cajots sont fiers de posséder une véritable tradition culinaire, une synthèse de traditions gastronomiques françaises, espagnoles, antillaises, adaptées aux produits de base des baïnes, riz, coquillages, poissons, crustacés, crabes, écrevisses. Autour des fourneaux, il y avait un consensus entre le maître et les esclaves. Le po'boy, la spécialité de la Louisiane la plus connue et la moins chère. C'est en fait un énorme sandwich dans du pain genre baguette. Vous pouvez le choisir au poisson, aux écrevisses, aux huîtres, à la viande. Si vous le demandez dressed, on vous le servira assaisonné avec mayo, rondelles de tomates et pickles. Mais je prends ça. Il constituera pas vite. Non, en revanche, crocodile, c'est franchement, c'est rarement franchement beau. Le po'boy. Le jambalaya. Une autre des grandes spécialités louisianaises, sorte de paella créole. Ouais. Le riz est accommodé de ce qu'on a sous la main. Chano, t'as une bière, t'as sauvette, crabe, des huîtres. Abondant que les différentes façons de cuisiner. Les recettes les plus connues étant bien vides, au four avec champignons, ail, oignons, ou Rockefeller, farci d'épinards et épices gratinés. Les gens, tu es végétarien? Oui, il y a de l'okra. Vous voyez plusieurs centres qui vendent des choses qui sont clairement végétariennes. Les Cajuns sont aussi de grands amateurs de bread pudding, genre de pain perdu arrosé de rhum au truffé de raisin de corinthe. Goûtez enfin aux banana toaster, bananes flambées au rhum, qui servir une glace d'anis. Ça c'est pour les desserts ça. Ça c'est pour, la... ça, c'est pour le dessert. Du coup on peut avoir un baba au rhum sans baba? Je vais prendre du poisson. C'est végétarien. De fait, mais j'en ai trop mangé de... J'ai un peu goûté à l'académie. J'ai sur Vulcain qui pousse, il n'y a rien qui pousse. Oui, est végétarienne d'ailleurs sur le cœur. Mais si, il y a des trucs qui poussent. Caillou. Des bactéries. Du ruec. Oh non. Ruec. C'est excellent. On vient de développer l'univers de Star Trek, c'est génial. Non mais si, il y a de la plomex soup. T'as mangé de la plomex soup, tu te souviens pas? Ouais, mais bon. Ça, je fais d'autres choses un peu. Si tu veux renier tes origines, regarde. Hein. Non, mais c'est plus une habitude que d'autres choses, non? Ou est-ce que c'est une véritable. Non, c'est. Ça te semble sauvage de. Je suis une créature. Et. Truc répliqué, ça te semble un peu étrange, quoi. Enfin, déjà l'idée de sang, etc. Écoute, tu voulais un Vulcain, tu jouais un Vulcain, t'as plein d'avantages, mais tu manges pas de poisson. Ça va. Je vais pas faire de blagues à table. On le fait, quoi. Donc voilà. Donc un po'boy au crocodile. Et je pose plein de questions. Cuisine à quoi? C'est du beurre salé? C'est quoi les épices? Vous le saisissez comment? C'est quoi la méthode de cuisson? Je réponds. Je demande au maître. T'expliques tout. Non, j'ai fait 12, hein. Je corrige le cuisson. Et du coup, sinon je me dis que c'est pas bon ce qu'il fait. Dès que les cuisses se fâchent, je commence à pousser les gars. On a éligé d'autres choses. Ok. Bon, vous allez pouvoir ramener votre cuisse, hein, j'imagine. Donc on a fait le tour, ouais. Donc dans quel état d'esprit vous êtes quand je fais le tour de... Là, il faudra un truc pas touristique, quoi, tu vois. Plutôt calme. Pour les insiders. Ouais, un truc qui est intrinsèquement bouge et qu'on n'ait pas besoin de commentaires ou d'explications. Tu veux faire taire, quoi? Non, mais Ouais. Parole bien. Loin de moi l'idée. Non, mais tu vois, un truc, je sais pas, plus d'ambiance, là, il n'y a pas un... Je fais un événement sportif. Je me demande où est la voiture là. T'as dit quoi? Je me demande où est la voiture. Du footballeur américain, du football américain. Voilà, t'as la voiture. Quoi, la voiture? Ouais. T'as reçu une adresse en banlieue. Du baseball. Ouais, voilà. Mais c'est quoi le sport local? Football américain, basket. En Floride, il y a, enfin surtout à Miami, mais il y a aussi beaucoup de pelotes basket. Une grosse communauté basket à Miami. Vers un. Il n'y a pas un truc de vaudou pour qu'on essaye de lui faire une séance? Ah oui, vous avez vu des stands qui vendaient des diverses voyantes et médiums. Tu peux lui faire une séance de médium ou de vaudou? Ah, tu sembles le plus intéressé par la culture locale. Je pense que tu es celui qui a le plus à tirer parti d'une immersion complète dans une grande part de la culture nouvelle-orléanaise qui est le vaudou. Ouais, du coup, même si maintenant approprié, vous n'utilisez pas mon titre cadet, j'apprécierais que vous continuez de m'employer. Effectivement, désolé, c'est le baboron qui paraît. Au demeurant, pourquoi pas. Tu veux un shop à bruit qui vend des pâtes de chicken et... Si vous voulez. Une séance de médium pour savoir notre avenir, parce qu'ils font ça. Ouais, t'as vu différents trucs. Savoir si le Tour of Duty va bien se passer, par exemple. Je ne crois guère à ce genre de folklore, mais... C'est local. Du folklore. Moi, un jet de perception. Perception, c'est ça? C'est dans l'intellect, hein. C'est juste perception ou c'est perception ça? 3. Ouh là là, je suis complètement absorbé par les bouibouis et ces filles qui participent au festival. Ça marche comment les jets de... C'est perception, c'est intellect perception. Intellect perception, c'est un nombre de dés. C'est toi. Et voilà. Et tu prends la tour. Et t'as là toujours un qui explose. Et sinon d'accord, tu prends mais t'as, ouais, là, t'as voilà. Okay. Et après, tu peux t'apporter une compétence, la vigilance par exemple, ou search, tu fais une recherche active. Voilà, je fais 3. Tu peux utiliser espionnage? Non. Okay. Donc 6. 6. Je considérais que. Rochanda. Maëlie, il y a un bonus. Ouais, je déguste mon steak, hein, je vois rien. Steak de crocodile. C'est de la fer blanche, le crocodile. Voilà, tu me fais un jet de perception pour trouver la seule mambo qui n'est pas du chiquet. Alors. Ça vous tente du coup? Là, il y a un truc qui a l'air prometteur. Un truc qui vend la situation. Ouais, c'est pour 10 de bonne aventure pour savoir notre futur qui sera mémorable, j'en suis sûr. S'appelle Ivana, la fille, elle a l'air, ça a l'air cool. C'est au troisième téton mystique. Je pense qu'il y a un lien. Ça va être une extraterrestre. C'est au troisième quoi? Téton mystique. C'est, tu vois, après le deuxième téton mystique quoi. T'as le premier, t'as le deuxième et t'as le troisième. Téton. Ça va être une extraterrestre. Ça existe des espèces avec trois tétons? Oui, 4, 5, 8. C'est local. Je regarde. Mais on est trois, troisième téton, tu vois, ça semble. Enfin, j'ai une culture humaine. 8. Non. Enfin, si. Il y a des trois, il y a un tout sérieux, le troisième téton. Ouais. Ivana et le troisième téton. Ouais, Ivana. Au troisième téton. Diseuse de bonne aventure. Et tu vois, trois, on est trois. C'est un lien, c'est pas une coïncidence. C'est là qu'on doit aller. Alors, il y a un accent, c'est pas les trois tétons mystiques. Non, je pense pas, non. C'est vraiment les tétons. Le troisième, en fait. Troisième, pardon. Troisième téton mystique. Tu vois, au troisième téton mystique, ça pourrait être super intéressant. Ouais. Ils sont forts, les tétons. En mysticisme. Donc voilà, que faites-vous? Je suis Gaëlk, qui a l'air super motivé, et je me prends pas peur. Je finis vite de manger mon steak, je me suis un petit peu à la bouche pour être présentable. Et on rentre chez Ivana. Vous réalisez tout de même qu'une personne qui a une déformité physique ne continue pas forcément un médium vers un monde des esprits ou des compétences particulières dans la divination. Non, mais souvent si quand même. Toutes les créatures mystiques elles sont un petit peu bizarres. Donc c'est une implication, on est d'accord, c'est pas une équivalence, mais oui, c'est une implication. Vrai, fait, tout de même. Mais c'est l'inverse, a priori. Si t'es mystique, t'es forcément un petit peu bizarre. Après, si t'es bizarre, t'es pas forcément mystique. Non, vraiment mystique. Bah oui, bien sûr. Vous avez jamais eu de petits vulcains qui se sont fait kidnapper parce que leur lit grinçait? Faire gaffe à ça. Il y a l'Ankou qui vient, il vous chope et pas. L'Ankou. Ouais. Vous avez pas ça Après, c'est peut-être un vulcain. Je sais pas si peut se trimballer en place. Normalement, il trimballe en fait un chariot. Alors, je sais pas si le chariot est spatial. Mais en tout cas, sur une planète, il peut rester, il peut se balader dans toute la planète. Hein, ça, c'est clair. Ouais. C'est qu'une légende. Bah non. Partie du folklore. Non. Vous avez jamais eu des gamins qui disparaissent dans votre village? Ça arrive, hein. surtout quand t'es méchant en plus. Quand t'es méchant, direct, il te repère. Et direct, t'es sûr qu'il va te choper quoi. Il n'y a pas d'enfants méchants. Ah, qui font des bêtises. Tu les comptes mal. T'as jamais genre cassé un carreau, t'as jamais bouffé la galette alors qu'elle était, tu vois, à laisser pour le soir, et t'as tout bouffé la moitié, du coup t'as plus faim après. T'as jamais fait ça? Bon, si la galette est pour le soir, c'est pas logique de la manger la nuit. S'il n'y aurait plus rien à manger. Bah si, parce que tu fais tapping, tu vois. En fait, le Ankou, il a démissionné. That's it, I quit. Y'a pas de job ici, plutôt best job. On dirait une variation locale comme les gens du Père Noël. Ah non, pas du tout, mais ça n'a rien à voir. Mais si les enfants sont méchants, pas non plus, c'est ça? Non, mais si les enfants sont méchants, ils ont juste pas de cadeau avec le Père Noël. Là, il te chope et tu disparais quoi. Après, il va te bouffer dans sa cave ou je sais pas ce qu'il fait, mais. En tout cas, il te chope. Arrêtez avec le tutoiement, s'il vous plaît. Pardon? Oui, c'est le tutoiement, c'est vrai, c'est le Baborum. Mais c'est la tenue en fait, c'est. C'est le chapeau. Ouais, c'est. Ça. C'est mieux, mais. Disons qu'il y a une formalité pas formelle forcément au niveau de l'habit qui fait que je suis obligé. Fais attention, bien allongé. Sinon il appelle l'Ankou et. Est-ce que ça marche pour les éduques? Ouais. Ça marche pour les éduques? Bah ouais. Il bosse dur. Deux types sortent, passent à travers. Espèce de rideau fait d'un collier suspendu, une espèce de boule en bois qui teinte alors qu'il traverse. Tu vois, je t'avais dit, et tout, tu vas trouver, il n'y a pas de problème. Il vous regarde, l'air un peu. Il baisse la tête et il se casse. Est-ce que vous êtes toujours devant l'établissement? Tu traverses ce rideau qui teinte alors que tu le traverses. Il y a quoi d'autre côté? Hein? Il y a quoi d'autre côté? Il y a une dame, plus très très jeune, mais pas vilaine, enfin. Voilà, je décris en avance pour les humains. Quoi. C'est pas cette période de la décennie. Il y a une odeur qui est là, l'air est assez enfumé, il y a une odeur assez forte. Dansant qui règne dans la pièce et une petite musique que tu identifies comme étant indienne étant fond. Indienne quoi? Indienne, pas amérindienne. Ah oui, du Bollywood. Non, la musique c'est en acte. Ah non, d'accord. Une musique un peu mystique. Ah d'accord. Qui prête à. Tu te rappelles. Pas les dames. Non. Qui nous rappelle l'objet qu'on tenait et juste avant le. Méga raciste les mecs, ça c'était un amérindien. Là ce que tu vous sentez, c'est de la musique indienne d'Inde. Ouais. Votre ami, il est. Comment on dit en français d'ailleurs? Natif américain? Ouais. Ça se dit ça? Natif indien d'Amérique? Natif américain. Parce que vous êtes juste raciste. Il vient pas de la Lune, de toute façon il vient de Mars. Ouais, mais il était d'origine. C'est pas des juifs amérindiens en plus, avec le Oh là là, mais non, ça c'est Klaus Minkowski. Ah oui, c'est Minkowski qui est d'origine juive sur la Lune. Non, sur Mars aussi. Ah, sur Mars aussi. Mais c'est grand Mars. Sérieux, moi. Parce que j'en sais, je suis jamais allé. Oui, l'autre était d'origine native américaine, ton Michael Tapanso. Je ne me souviens plus quelle tribu, mais effectivement, il venait de Mars, mais il était natif américain. Toi, comment Ivana peut vous aider? Entrez. Je me retourne, je passe par la Bonjour. On rentre, hein, bien sûr. Donc je lui disais, Ivana, pas vilaine, elle est très assez maigre et fin, mais quelque peu ridée, sa jeunesse est un petit peu derrière elle. Des cheveux mi-longs, tendant entre le blond et roux, blond vénitien, on va dire. Elle porte tenue assez légère, pas trop révélatrice, faite de voiles, et elle porte aussi un serre-tête qui tient un voile qui pend dans son nom. Salutations, il va être tête. Salutations. Il est l'honneur. Enseigne Drac de Vulcain. Elle esquisse un sourire. Bienvenue dans ma retraite, Enseigne Drac de Vulcain. Je suis derrière, je tape à l'épaule et je dis Davis Fontaine. Enseigne Davis Fontaine. De ici. Du Davis. Cadet Malig le bien de Kaldos. Pour vous servir. Bienvenue, mais. Clin d'œil. Elle tend la main vers ce qui semble être un terminal comme ceux que vous utilisez quand vous voulez payer quelque chose avec des crédits de la Fédération. Tu poses la main dessus. Non, je m'en sers. Oui. Hmm? Demande, combien combien c'est avant. Demande combien c'est avant. Quel est le prix en crédit de la consultation? Elle te donne un prix. Ici, l'équivalent, ça serait 100 livres. Putain! Ça fait combien de po'boy? Ça fait beaucoup de po'boy. C'est facile, une cinquantaine de po'boy. Ah, mais c'est pour connaître l'avenir. T'as dit le jeu quand on est à la recueille frontale. Gros sourire, je tapote l'épaule et j'y. Si on se met ici tous les trois, on peut en partager. C'est ton destin qu'on est là pour. Réfléchissez bien car je ne. Je ne répondrai qu'à une question. Quel est votre problème? Enfin, d'abord elle tend sa main vers le terminal. C'est toi qui voulais nous venir, hein. Tu devrais partager un peu avec. Oui, non, mais c'était pas forcément pour moi que je voulais, c'était pour Sarax qui connaît. En plus, tu te poses toujours plein de questions, c'est le moment de poser la question pour laquelle tu recherches une réponse. Depuis toujours. Je. Non, non, je. Je paye les crédits. Sans me vérifier quelque chose de son côté terminal. Très bien, je vous écoute. Pose ses mains sur ses tempes et semble se concentrer. Elle pose ses mains aussi sur sa poitrine. J'attends votre question. Si l'on prend en compte les coordonnées spatiales à proximité d'une perturbation majeure en périphérie de Jupiter, quels sont les paramètres qui permettraient d'altérer un voyage en téléporteur afin d'envoyer les personnes dans un monde parallèle? Je le regarde, jette un regard sur ce qu'on fait à Davis et à Maelic. Sortons la réponse. C'est une bonne question. Ivana et les dons que je possède. Les dons. Je ne suis donc qu'en mesure de répondre à une question personnelle sur votre avenir, votre passé. D'accord. Dans ce cas, qui a assassiné mes parents? Il défait le nœud de son petit gilet. Il le laisse tomber. Très guillerette. Et vous remarquez qu'effectivement, contrairement à l'anatomie que vous avez pu étudier ou constater dans différentes circonstances, plus de ces deux tétons qui seraient dans l'emplacement habituel, elle prendra un troisième partie de base de son sein gauche. Elle commence à le titiller. Est-ce que je reçois une activité psychique dans ma pièce? Je J'ai peu contacté que votre père. Mais il est loin, si loin. Il me dit que tu n'as pas assez bien cherché. Que les réponses ont été et seront bien plus près de toi que tu ne l'imagines. Oui, très près. Mais ces réponses vont s'éloigner. Mais elles reviendront. J'ai perdu le contact. C'est là. On ferme son petit gilet. Un semblant de tenue de modestie. Et refait son petit nœud. Merci beaucoup, Ivana. Merci pour votre visite. Je regarde Trax, est-ce qu'il a une réaction par rapport à ce qu'elle a dit ou... Non. Non. Tu en penses quoi ? Une réponse particulièrement évasive à un sujet auquel je connaissais visiblement rien du tout. Donc classique. Très classique. Elle n'a strictement rien. Quant à la réponse qui est juste à côté, j'en doute. Tes parents sont vraiment morts ? Oui. Mais quand on est là, je ne savais pas. Il y a longtemps. Il y a 13 ans. 13 ans ? 13 ans. 14 ans. Ah non, je veux 3 ans. 16 ans, pardon, 16 ans. Mais ce sont les Romulanais qui... C'est la version officielle ou c'est... C'est bon, c'est ce qui s'est passé. Comment est-ce que ça va avoir un lien avec tout ce qu'on a ici ? C'est un Romulanais en ville. Et qui ? Pas où se trouver les réponses. Ou quelqu'un dans ton entourage. J'aurais profité de l'invasion des Romulanais. Est-ce que... Il n'y a plus d'invasion des Romulanais. On s'est pas envahir et tout. C'était pas chez toi en fait. Non, c'était pas sur Vulcan. Après, personne qui a les réponses, pas forcément celle qui a fait l'acte. Non. C'est vrai. Oui, c'est mais elle a parlé après de réponse. Oui. Mais elle n'a pas répondu à ma question. Ah mais je crois que c'est toujours un peu le principe. Bien sûr. On va boire déjà, je pense.